J'ai besoin de toi, j'ai besoin de lui. Voilà la vérité, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de toi. Mais ça ne se dit pas. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de lui. Voilà la vérité, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de toi. Mais ça ne se dit pas. Lui, la tendresse, lui, la douceur et l'insouciance, et toi, la force. Oui, toi qui sais ce que tu veux, et moi, encore vous deux, je pouvais être heureuse. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de lui. Voilà la vérité, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de toi. Mais ça ne se dit pas, j'ai besoin de toi. Seul un homme a tous les droits, et qu'une femme n'a qu'un seul Dieu ou qu'un seul roi.